إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous en sommes au cours numéro 35 des explications des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et donc nous continuons les explications du hadith numéro 3. Le hadith numéro 3, et nous avons terminé la semaine passée, donc nous avons fait les explications de Cheikh Salah Al Cheikh de Cheikh Salah Al Fawzan, hafidhahumullah ta'ala. Donc nous en sommes arrivés au premier pilier de l'islam qui est, puisque donc le troisième hadith concerne donc les piliers de l'islam, et donc nous en sommes arrivés donc au premier pilier qui est l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Donc le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah mentionne Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shahada ma'khudha min shahada yashhad shuhudan wa shahada إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره. Donc il dit le Cheikh Salih al-Sheikh حفظه الله تعالى. Il dit donc que l'attestation, donc le shahada, c'est pris du fait que l'on témoigne. D'accord ? Que l'on témoigne, qu'il y a un témoin. D'accord ? Et le témoignage est lorsque le témoin donc reconnaît cela de par son cœur, donc il l'informe avec sa langue et donc le fait connaître à son prochain. ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث أن يعتقد ويعلم بقلبه وأن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغير طبعا إذا لم يكن ثم عذرا شرعي عن الإعلام إعلام الغير كالإكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التقية. Donc il dit le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, il dit concernant donc là le témoignage, d'accord, et bien le témoignage, on ne considère que c'est un témoignage que s'il y a ces trois points là, c'est-à-dire qu'il y a la croyance, qu'il a la connaissance avec son cœur et qu'il le prononce en disant avec sa langue pour informer l'autre. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'excuses légiférées, dans le sens où est-ce que si quelqu'un est muet, il a cette excuse qui est valable, qui est légiférée parce qu'il est muet, il ne peut pas prononcer, d'accord, mais il a la croyance de cela, la sincère conviction de cela. Donc il a cette croyance-là, il a la connaissance avec le cœur. Mais le muet, lui, ne pourra pas le prononcer. Donc lui, il aura une excuse qui est légiférée. D'accord ? Donc, ou d'autres excuses légiférées, donc le fait que, que quelqu'un le cache par crainte de, de connaître une répression, eh bien, s'il le dit. D'accord ? Par exemple. Tout ce qui concerne, en fait, les excuses qui sont légiférées. Donc, cependant, il faut qu'il y ait la croyance, il faut qu'il y ait la connaissance avec le cœur, et il faut bien sûr le prononcer. Il faut bien sûr prononcer et informer l'autre. Donc, ces trois points-là constituent ce qu'est le témoignage. Lorsque quelqu'un dit qu'il témoigne, il a donc ces trois points-là. فإذا قوله شهادة لا إله إلا الله يعني العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والنطق بذلك والإعلام به. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith numéro 3 des Arba'in Nawawiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que l'islam a été bâti sur 5, en mentionnant le témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, donc cela indique et signifie donc que la personne qui va le témoigner donc comprend ce qu'elle dit, d'accord? Elle a la connaissance de que ce que yani que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, et donc il le prononce afin d'informer les autres. Wa kull shahada hiya bihadha al-ma'na. Et donc tout témoignage donc se tient donc sur ce sens-là, sur les trois points qu'on a vus. Wa shahada 'inda al-qadi la yusamma shahidan hatta yakun 'alima thumma nataqa. Et le témoin n'est pas considéré comme un témoin auprès du juge jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance. Puis il prononce takallama bidhalika fa'alama bihi al-qadi, donc il a eu connaissance de cela et il se met à le prononcer et donc à informer donc le juge. Summiya shahidan li ajli dhalika, donc c'est pour cela que on dénomme le témoin de cette sorte-là. Donc le témoin, donc il doit avoir la connaissance puis prononcer de la connaissance de ce qu'il a pour informer l'autre, d'accord? Le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhullah dit donc concernant donc le témoignage de La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration de toute vérité excepté Allah. Il dit Hiya kalimatu tawhid, c'est la parole du monothéisme. Wa la ilaha nafi, et le fait que nulle divinité, donc ça on l'avait vu dans le détail dans le hadith numéro 2 dans les explications. Donc on va pas détailler comme on l'a fait dans les cours précédents, d'accord, mais donc les rappels donc de base concernant cela, inshallah, que fait le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah. Donc la ilaha illallah, c'est la parole du tawhid, et la ilaha, c'est la négation, d'accord, c'est la partie négative, la ilaha, d'accord, nulle divinité n'est en droit d'être adorée. Parce qu'il va dernier ça en français, vous voyez, en arabe c'est différent. Parce qu'en français, donc lorsqu'on donne le sens, eh bien voilà tout ce que cela implique. Mais lui, il va détailler quand même le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhullah par la suite, donc la signification de tout ça. Wa illallah, donc la première partie, la ilah, c'est la négation. Wa illallah, c'est ithbat, donc c'est l'affirmation. وَالْمَنْفِي إِسْتِحْقَى أَحَدْ الْعِبَادَةِ. Et donc la négation en fait c'est quoi? Qu'est-ce qui est renié? Qu'est-ce qui est renié dans, lorsque l'on dit « la ilaha » Eh bien c'est ce qui est renié, c'est le mérite de recevoir l'adoration. Le mérite de recevoir l'adoration, c'est ça qui est renié. لأن الإله هو المعبود, car le إله c'est ce qui est adoré. الإله c'est ce qui est adoré. وإلا الله هذا إثبات, et excepté Allah cela est l'affirmation. يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا, c'est-à-dire que l'on confirme que celui, donc le mérite de l'adoration, on confirme que le mérite de l'adoration n'en revient qu'à Allah Azza wa Jal, seul Allah mérite l'adoration. Donc la première partie, c'est la négation, on renie toute forme d'adoration, et donc on renie en fait, lorsqu'on dit on renie toute forme d'adoration, on renie le mérite de l'adoration, on renie le mérite de l'adoration, excepté à Allah. Seul Allah a ce mérite-là d'être adoré. D'accord? En toute vérité. هذا إثبات يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. Donc, seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Seul lui mérite d'être adoré. D'accord? Donc, on renie le mérite de l'adoration pour autre qu'Allah. La négation, et on affirme et confirme que le mérite de cette adoration-là ne revient qu'à Allah seul. sans associer. ونفي هذا الاستحقاق عما سوى. Donc, c'est ce que je viens donc de traduire. Donc, on renie le mérite de l'adoration pour autre qu'Allah et on affirme que ce mérite d'adoration-là n'est l'adoration, sallallahu alayhi wa sallam, la mérite en toute vérité. Parce que l'ilah, donc comme on avait vu, c'est ce qui est adoré. Mais le cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, avait donc mentionné dans le cours numéro 1 des explications du livre qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui est l'explication de Kitab Tawhid, dans lequel il disait l'ilah huwa al-ma'bud bi-haq wal-ma'bud bi-ghayri haq. L'ilah, c'est quoi? C'est ce qui est adoré en toute vérité et c'est ce qui est adoré avec fausseté. Donc, ça, c'est pour les deux. Donc, c'est ce qui est adoré. D'accord? L'ilah, c'est ce qui est adoré. Donc, il peut être aussi bien adoré avec vérité. Et seul Allah Azza wa Jal est adoré avec vérité. Et avec vérité, seul Allah Azza wa Jal est adoré avec vérité. Mais l'ilah désigne également ce qui est adoré avec fausseté. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on renie le mérite de l'adoration à tout excepté Allah. D'accord? Car seul Allah Azza wa Jal mérite cette adoration-là en toute vérité. فإذا قلنا كلمة التوحيد نفي وإثبات فهذا معناه أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله وتثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده. Donc la parole du tawhid, alhamdulillah, la parole du tawhid est donc une négation et une affirmation. Cela signifie qu'elle renie le mérite de l'adoration à tout en dehors d'Allah et qu'elle confirme le mérite de l'adoration à Allah seul, à Allah le Très-Haut seul. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقاد يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له. Ensuite le cheikh hafidhullah il dit, donc quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, alors il a eu cette croyance là et il l'a informé que nul ne mérite rien dans tous les types d'adoration, nul ne mérite aucun type d'adoration excepté Allah seul sans associé. وفي ضمن ذلك أن من توجه بالعبادة إلى غيره فهو ظالم متعدى باغ على حق الله جل وعلا. Et cela induit donc que quiconque qui a orienté une quelconque adoration vers autre qu'Allah, eh bien, celui-ci est un injuste et un oppresseur, car il n'a pas donc respecté le droit d'Allah, car l'adoration est le droit d'Allah. Et donc, c'est pour cela que c'est une injustice. Car l'injustice, donc, c'est le fait de ne pas mettre une chose à sa place. D'accord? Et là, c'est être injuste. Donc, l'adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah Azzawajal seul. Donc, lorsqu'un individu voue un quelconque acte d'adoration et l'oriente vers autre qu'Allah, celui-ci n'a pas mis l'adoration à sa place, qui est le fait de la vouer exclusivement à Allah seul, et le fait qu'il ne l'a pas mis à sa place, il devient donc injuste et un oppresseur, d'accord, et qui n'a pas respecté le droit exclusif à Allah le Très-Haut seul. Donc ça, c'était concernant donc les fawaid de Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah. On voit maintenant les fawaid de Cheikh Saleh al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala. Concernant قوله شهادة أن لا إله إلا الله معناها الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhullah, il dit que le témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, donc signifie bien sûr la croyance et la ferme certitude avec la prononciation, avec la langue, que لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقِّ الْعِبَادَةِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, que nul ne mérite l'adoration excepté Allah, le Très-Haut. وَأَنَّ عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ بَاطِلَ وَالشِّرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, et que l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah, eh bien elle est fausse et c'est associé à Allah, le Très-Haut. وَإِنْ كَانَتْ تُسَمَّى آلِهَةً وَلَكِنَّهَا آلِهَةً بَاطِلَةً, même si elles sont appelées آلِهَةً, même si elles sont appelées des divinités, d'accord, mais on dit que ce sont des fausses divinités, car une divinité c'est ce qui est adoré, d'accord, une divinité c'est ce qui est adoré. Donc lorsque des divinités sont adorées, eh bien, toutes divinités sont fausses, excepté Allah le Très-Haut. D'accord ? Qui est le seul vrai. Tandis que, en dehors d'Allah, ce qui est adoré, eh bien, le fait qu'il les adore, eh bien, ils les mettent au rang de divinité. Et donc, ce sont des fausses divinités. فَالْإِلَهُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. La vraie divinité, c'est Allah le Très-Haut. وَمَا سِوَاهُ فَأُولُوِيَّتُهُ بَاطِلَ, et ce qui est en dehors d'Allah, la divinité qui lui est vouée, donc les actes d'adoration, etc., eh bien, leur divinité est fausse. On les nomme divinités parce qu'elles sont adorées, mais on dit qu'elles sont fausses. قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. En sourate Al-Hajj, le verset 62, dans la traduction du sens, ceci, car Allah est le vrai, et ceux qu'ils adorent en dehors, et ceux qu'ils invoquent, donc parce que l'invocation c'est l'adoration, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et Allah est le plus élevé et le plus grand. فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح لان العباده لله جل وعلا لا يستحقها سواه ولا يكفي ان تعتقد ان العباده حق لله عز وجل بل لا بد ان تعتقد ايضا ان عباده ما سواه باطله وهذا هو مقتضى لا اله الا الله. Donc ici, le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhullah, souligne un point qui est important et essentiel, donc à ne pas sous-estimer concernant le sens de La ilaha illallah. Il dit, il est essentiel donc d'avoir la croyance avec le cœur et la prononciation avec la langue et agir avec les membres, car l'adoration donc ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal seul. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et il n'est pas suffisant que tu crois que l'adoration est le droit d'Allah le Très-Haut. Donc ça, ce n'est pas suffisant de croire que l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah. C'est pas suffisant de croire uniquement cela. D'accord ? Mais il est essentiel de croire également que l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse. D'accord ? Il faut joindre les deux. Il ne faut pas juste s'en tenir à un seul point. Donc il n'est pas suffisant de croire que l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Mais il est essentiel de croire également que l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse. Et c'est cela qui est voulu dans le sens de La ilaha illallah. Fa inna la ilaha nafyun wa illallah ithbat. Car La ilaha, nulle divinité, ne mérite l'adoration en toute vérité, eh bien ça c'est la négation. Wa illallah, excepté Allah. Ithbat, c'est l'affirmation, la confirmation. Fa nafyu huwa nafyun wa ibtal li'ibadati ma siwa Allah. Et donc la négation et le fait qu'on invalide l'adoration. La négation, c'est le fait qu'on invalide donc l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Wal ithbat huwa ithbat al ibadati lillahi azza wa jal. Et l'affirmation, c'est le fait que l'on affirme que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah azza wa jal seul. Fala yakfi an nafyu bidun ithbat. Donc ce n'est pas suffisant d'avoir la négation sans affirmation. Wala ithbat bidun nafi. Et ce n'est pas suffisant d'avoir l'affirmation sans la négation. Ensuite, le cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhullah, il dit la budda minhuma jami'an. Il est essentiel d'avoir les deux et de comprendre les deux, c'est-à-dire l'affirmation et la négation. La négation, on renie le mérite d'adoration pour autre qu'Allah et on affirme que ce droit-là de l'adoration, seul Allah le Très-Haut le mérite en toute vérité. D'accord ? Donc les deux, la négation et l'affirmation, il est essentiel donc d'avoir les deux et de les comprendre et d'agir dessus en bien sûr en affirmant que l'adoration c'est le droit exclusif à Allah Azza wa Jal seul, mais il faut également avoir la ferme certitude et la ferme conviction que toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah, elle est fausse, nulle et invalide. D'accord ? Et c'est une injustice, comme on l'a vu précédemment. Barakallahu fikoum. Donc ensuite, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit فالذي يعبد الله ولا يعبد معه غيره لكن لا يعتقد بطلان عبادة الأوثان والطواغيت ويقول الناس أحرار في عقائدهم كل له عقيدته ولا يعتقد أن هذا باطل فهذا كافر بالله عز وجل لأنه مناقض لشهادة لا إله إلا الله لأنها تشتمل على النفي والإثبات. Il dit le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah. Celui donc qui adore Allah et qui n'adore rien en dehors d'Allah, mais il ne croit pas en la fausseté de l'adoration des statues et des tawarites. Il dit les gens sont libres dans leur croyance. Chacun à sa croyance et chacun est libre. Eh bien, celui qui adore Allah Azza wa Jal, uniquement Allah Azza wa Jal, et il n'adore rien en dehors d'Allah, mais il ne croit pas en la fausseté de l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Il ne croit pas en la fausseté de l'adoration qui est vouée au statut, au tawarit, et il dit que les gens sont libres dans leur croyance, et que chacun a sa croyance. Et il ne croit pas en la fausseté de l'adoration donc qui est vouée à autre qu'Allah, et bien cet individu-là, malgré qu'il adore Allah Azza wa Jal seul et qu'il n'adore rien d'autre en dehors d'Allah, mais il a ces croyances-là qu'on a citées, et bien cet individu-là, c'est un kafir, un mécréant. لِأَنَّهُ مُنَاقِدْ لِشَهَدَةَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Car il oppose, d'accord ? Il annule, il invalide le témoignage qu'il a en disant « La ilaha illallah ». Pourquoi ? Parce que « La ilaha illallah » eh bien contient la négation et l'affirmation. Donc ce n'est pas s'en tenir uniquement à affirmer que l'adoration est le droit exclusif d'Allah seul. Car celui qui se tient uniquement à cela et qui considère que les gens sont libres dans leur croyance et qui considère que Chacun croit comme il veut, etc. Et qu'il ne voit pas fausse, donc l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah, malgré qu'il n'adore qu'Allah seul, eh bien cet individu-là est un mécréant car il a opposé ce qu'implique la ilaha illallah en termes de négation du mérite du droit de l'adoration à autre qu'Allah et d'affirmation que ce droit-là, sallallahu alayhi wa sallam, le mérite. Donc il a opposé ce qu'implique la ilaha illallah. Qala wa anna Muhammadan Rasulullah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toujours dans ce hadith numéro 3, lorsqu'il dit que l'islam a été bâti sur 5, il a dit, eh bien, le premier pilier qui est nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. Et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. La takfi shahadatu an la ilaha illallah wa huwa la ya'taqidu bi risalati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخلهم في الإسلام فمن شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا تنفعه حتى يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما أمر ويترك ما نهى عنه وزجر ويعبد الله جل وعلا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله بهواء والبدع والمحدثات. Puis le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit, concernant maintenant la deuxième attestation de foi qui est que Muhammad est l'envoyé d'Allah, il n'est pas suffisant de se tenir uniquement à l'attestation de la ilaha illallah et qu'il ne croit pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le Cheikh, hafidhahullah, il dit car les juifs, eux, témoignent que nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Il dit, les juifs témoignent déjà de cela. Mais ils ne croient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors cela, le fait qu'ils ne croient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela ne les fait pas rentrer dans l'islam. Cela ne les fait pas rentrer dans l'islam. Pourquoi cela ne les fait pas rentrer dans l'islam? Parce que le fait qu'ils ont témoigné que nulle divinité n'est en droit d'être adorée excepté Allah, elle ne lui est pas bénéfique jusqu'à ce qu'il croie au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui obéit et qu'il obéit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce qu'il a ordonné, et qu'il délaisse tout ce qu'il a mis en garde ou interdit, et qu'il n'adore Allah qu'avec la législation de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'adore pas Allah avec ses passions ou les innovations ou les choses nouvellement inventées. فلا بد من الشهادتين بأن ينطق بهما جميعا أو ينطق بلا إله إلا الله مع اعتقاده أن محمدا رسول الله فتكون داخلة ضمنا أما إذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمدا رسول الله فيقال له أنت كافر بالله عز وجل ونقضت شهادتك أن لا إله إلا الله لأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا كفرت بالرسول كفرت بالمرسل لأن الإيمان بهما متلازم. Donc il dit enfin le cheikh concernant ce point-là de la deuxième attestation de foi, il dit: il est donc obligatoire d'avoir les deux attestations de foi, C'est-à-dire qu'il prononce donc les deux attestations de foi ensemble. Ou bien il prononce la ilaha illallah avec sa croyance qui est ferme que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Mais s'il dit, eh bien je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, mais je ne témoigne pas que Muhammad est l'envoyé d'Allah, alors on lui dit à ce genre d'individu qui tient ses propos, on lui dit, tu es un mécréant, tu as mécru en Allah le Très-Haut, car tu as opposé, tu as invalidé la ilaha illallah, car c'est Allah qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu mécrois, si tu as mécru à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu as mécru à celui qui l'a envoyé. Car la foi des deux est obligatoire. D'accord ? La foi des deux est obligatoire. Croire que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. D'accord ? Donc celui qui dit que lui il croit que le seul qui mérite l'adoration en toute vérité c'est Allah, et qui croit que toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse et nulle et invalide, mais il ne croit pas à l'envoyé d'Allah, au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors on lui dit c'est quelqu'un qui a donc mécru en Allah le Très-Haut par le fait que c'est Allah qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il mécroit en Muhammad, il a mécru à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Allah. Donc ça c'était concernant donc les deux attestations de foi. Et donc si bien sûr, les frères veulent plus de détails, Inch'Allah. On a très détaillé donc ces deux attestations de foi dans le hadith numéro 2 de Jibril. Donc, ils peuvent retrouver, Inch'Allah, les cours sur le site, bi'idhnillah. Le Cheikh Salih al-Cheikh, Hafidhullah, dit concernant la prière, la salat. Qala wa iqam al-salat. Le fait d'établir la prière. Donc là, c'est le terme qui va expliquer ici, c'est le terme iqam as-salat. Iqam wa iqam as-salat. At-ta'bir 'an as-salat bi lafz iqam as-salat hadha li ajl maji'aha fi al-Qur'an hakadha. Donc il dit le fait que c'est prononcé iqam as-salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith 3. D'accord ? Iqam salat, dans la traduction en français, serait établir la prière. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme-là, iqam salat, d'accord ? Eh bien, c'est parce que c'est comme cela que qu'on le trouve dans le Coran. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Isra, verset 78, iqim salat li duluk al-shams ila ghasaq al-layl. Établis la prière, établie, vous voyez, aqim as-salat, d'accord, aqim as-salat, établie la prière. Et c'est pareil lorsque vous voyez dans Surat al-Baqara, au verset, là ce sont des exemples qu'il donne dans les versets, le verset 43, wa aqimu as-salat wa atu az-zakat, et établissez donc la prière et donnez la zakat. Vous voyez, on trouve aqim, aqimu, d'accord, dans Surat al-Maïda par exemple le verset 55, الذين يقيمون الصلاة, ceux qui établissent. D'accord ? Donc en arabe ici c'est utilisé le terme comme dans le hadith ici. D'accord ? أقيم الصلاة, أقيموا, d'accord ? يقيمون, ceux qui établissent la prière. D'accord ? ونحو ذلك من الآيات, et donc on trouve donc plusieurs versets avec donc ce terme là qui est utilisé, c'est أقيم, établissez. ففي القرآن أن الصلاة تقام. Donc dans le Coran, la prière donc elle est établie. ومعنى كونها تقام يعني أن تكون على صفة تكون قائمة بإيمان العبد. Donc le fait que c'est utilisé donc que la prière soit établie, Eh bien, que cette prière-là soit faite dans le sens où est-ce qu'elle est établie avec la foi du serviteur. D'accord? وهذا هو معنى قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر et établit la prière car la prière te mènera à t'interdira les choses détestables et les turpitudes dans sourate Al-Ankabut le verset 45. Il dit, le shir, c'est ce qui est voulu ici dans ce verset-là. C'est-à-dire que la prière, elle soit établie avec la foi. C'est pour cela qu'ensuite le shir salah al-shir hafidhullah, il dit فَمَنْ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةِ لَمْ تَنْهَاهُ الصَّلَاةِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Il dit, c'est pour cela que celui qui n'établit pas la prière, établir la prière, c'est-à-dire avec la foi du serviteur. Le serviteur, lorsqu'il prie, il prie avec sa foi. Eh bien, celui qui, donc, n'établit pas la prière, c'est-à-dire comme il se doit en priant avec sa foi, eh bien, cette prière-là ne l'interdit pas à commettre des turpitudes et des choses détestables. D'accord? C'est parce qu'il ne prie pas avec sa foi. D'accord? Et le cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, mentionne un point ici intéressant concernant la salat. Il dit فالصلاة شأنها عظيم. La prière a un statut qui est énorme, qui est immense. وَلَا يَتَهَاوَنَ بِالصَّلَاةِ مَنْ فِي قَلْبِهِ إِسْلَامِ. Celui donc qui a l'islam dans son cœur, qui a de l'islam dans son cœur, eh bien ne prend pas la prière à la légère. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَيُقِيمَهَا فِي أَوْقَاتِهَا. Donc il est obligatoire pour le musulman de préserver la prière et de l'établir en son temps. هذه هي الصلاة النافعة. C'est celle-là la prière qui est bénéfique. التي تبرأ بها الذمة. أما الذي يصلي حسب هواه فينام ويتعمد النوم ويقول متى ما قمت من النوم أصلي فيصلي الفجر بعد شروق الشمس أو قبيل الظهر وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد ويقول الذي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة هذا باطل والعياذ بالله هذا مستهزئ وساخر بالله عز وجل. Donc il dit le cheikh Salah al-Fawzan hafidhullah, donc la salat a un statut qui est immense et celui qui a de l'islam dans son cœur ne prend pas la prière à la légère. Et il est donc obligatoire aux musulmans de préserver donc la prière et de l'établir en son temps. L'établir, on avait vu avec les explications de Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, c'est-à-dire il l'établit, c'est-à-dire il fait la prière avec sa foi. Avec sa foi. Et c'est celle-là, c'est cette prière-là qui est établie donc avec sa foi qui va lui interdire de commettre donc des turpitudes et des choses détestables. Donc, le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhullah, il dit, et donc, il doit, le musulman doit la préserver et l'établir en son temps. C'est ça qui est la prière qui est bénéfique. D'accord? Celle qui lui fait qu'il a, eh bien, il a fait ce qu'Allah Azza wa Jal, donc, lui a ordonné d'établir. En termes de prière. Mais celui qui prie en fonction de ses passions, il dort et il sait qu'il va rater la salat lorsqu'il va dormir, mais il dort délibérément en disant, eh bien, lorsque je me lèverai, eh bien, je prierai. Et puis, il se met à prier le fajr après que le soleil soit levé, ou bien un peu avant le dhuhr. Et certains d'entre eux réunissent toutes les prières du jour pour les faire en une seule fois la nuit. Et ils disent que celui qui l'accepte, qui accepte les prières séparément, eh bien l'accepte en les réunissant tous. Eh bien, donc ces paroles-là sont fausses, qu'Allah nous en préserve. Et ça, celui qui tient ces propos-là, c'est quelqu'un qui se moque. C'est un moqueur et qui se moque donc d'Allah le Très-Haut. Ensuite, il dit le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah. وإيتاء الزكاة أيضا لفظ الإيتاء المقصود به أو قيل فيه إيتاء لأجل مجيئه في القرآن. Donc le fait de donner donc le يعني la zakat. D'accord? C'est-à-dire l'impôt là qui est obligatoire. D'accord? La zakat. Le fait que le terme en arabe إيتاء et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé en disant wa ita zakat, eh bien cette prononciation là c'est ce que l'on trouve donc dans le Coran. Wa hajjul bayt kadhalik wa sawm ramadan kadhalik, c'est de même pour le pèlerinage à la maison et c'est ainsi pour le jeûne le pèlerinage donc à la Mecque, à la maison sacrée, et c'est ainsi pour le jeûne du mois de Ramadan. Donc comment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé, c'est comme on le trouve donc dans le Coran. يعني اختيرت هذه الألفاظ بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لموافقتها لما جاء في القرآن فيها. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ces termes précis lorsque donc que l'on trouve donc dans le hadith 3 wa ita zakat wa aqim iqam salat ita zakat hajj al bayt saum ramadan, d'accord, et bien il dit le cheikh Salih al cheikh Hafidhullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a utilisées ainsi car elles sont en conformité avec ce qui est venu dans le Coran. Falaw qila fi zakat i'ta zakat, mais si concernant dans la zakat on aurait dit i'ta zakat, yani c'est un synonyme de ita zakat, la jaz, eh bien cela aurait été permis, d'accord. Walaw qila fi salat ta di salat la jaz dhalika. Donc même si s'il est dit concernant la prière, eh bien que tu fais la prière, cela aurait été permis. Walakin ittiba' ma ja'a fi al-Qur'an awwala fi hadha al-amr, mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait suivi ce qui est dans le Coran tout d'abord. Donc c'est pour ça que là qu'il a utilisé donc ces termes précis en arabe. هذا من جهة ألفاظ الحديث. Cela concerne donc les termes qui sont utilisés dans ce hadith. هذا الحديث دل على أن هذه الخمس أركان. Donc ce hadith là prouvait donc que ces cinq sont des piliers. وقد ذكرت لك البارحة أن التعبير عن هذه الخمس بالأركان إنما هو مصطلح حادث عند الفقهاء لأنهم عرفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء وأن الشيء لا يتصور أن يقوم بلا ركنه. Donc il dit ici le Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah, il dit, et donc ces cinq là, eh bien, correspondent donc aux piliers. Et il dit, je vous ai rappelé donc hier, concernant donc c'est ce qu'on avait eu donc la semaine passée, sur les cinq piliers. C'est ce qui est utilisé donc par les jurisconsultes, qu'ils reconnaissent donc le pilier comme le fait que c'est en relation avec une chose, d'accord ? Et une chose donc ne peut pas être imaginée qu'elle soit établie sans pilier. فمثلا يقولون البيع أركانه ما تقوم عليه ماهية البيع لا يمكن أن تتصور بيعا موجودا إلا أن يكون هناك بائع ومشتري. Là, c'est l'heure que c'est. Alors là, je ne connais pas Internet. Donc, il dit ici le cheikh Hafidhahullah, cheikh Salah al-Sheikh, il dit, donc ils disent, donc, par exemple, la vente. La vente a des piliers. Ces piliers-là, c'est sur quoi est établie la vente, d'accord ? C'est-à-dire la relation de la vente. On ne peut pas imaginer donc une vente, qu'il y ait une vente, sans qu'il n'y ait un vendeur et un acheteur. Et qu'il y a donc une marchandise qui est vendue et qui est achetée. يعني سلعه سلعه يقوم عليها ذلك. C'est-à-dire donc qu'il y a une marchandise qui fait que il y a une vente qui peut être établie. وهناك صيغه يعني واحد يقول خذ وهات. C'est-à-dire que il y a des choses qui se passent dans le sens où est-ce que il y a quelqu'un qui va dire prends et donne. C'est-à-dire prends la marchandise, donne l'argent, d'accord? أو بعت والثاني يقول اشتريت. Qu'il y en a un qui dit j'ai vendu et l'autre j'ai acheté. أو ما أشبه ذلك. Donc ce qui est donc dans ce sens-là. Donc il mentionne bien ici dans cet exemple-là donc que une chose donc a une relation, d'accord, qui fait qu'elle est bâtie sur des piliers. Donc la vente par exemple a ses piliers sur lequel elle s'établit, yani concernant tout ce qui est en relation avec la vente. Le vendeur, il faut donc qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Il faut qu'il y ait une marchandise, d'accord ? Il faut donc qu'il y ait une chose à vendre et que une chose à acheter, d'accord ? Il y a quelqu'un qui dit je te donne, l'autre qui est je prends, d'accord ? Ou j'ai vendu et l'autre j'ai acheté. فإذا الأركان كيف نستنتجها ما تقوم عليها حقيقة الشيء تتصور شيئا كيف يوجد دعائم وجوده هي الأركان. Donc il dit en fait, alors comment on peut là comprendre les piliers? La chose sur laquelle s'établit sa vérité, la chose sur laquelle s'établit sa vérité, d'accord, le fait qu'elle existe, eh bien ce sont les piliers, d'accord. Il dit النكاح مثلا, le mariage par exemple, أركان النكاح ما هي, quels sont les piliers du mariage, ما يقوم عليها النكاح, c'est ce que, sur quoi est établi le mariage, vous voyez, sur quoi est établi. Donc c'est pour cela, comment il l'a défini, pour qu'on comprenne le pilier, c'est quoi ? ما يتصور أن يوجد نكاح إلا بزوجين أليس كذلك ? Il dit on ne peut pas imaginer qu'il y ait un mariage sans qu'il y ait deux mariés, n'est-ce pas ? وبصيغة زوج يعني رجل وامرأة, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un homme et une femme. وصيغة هذا حقيقته يعني من حيث هو. Eh bien, vous voyez, ça c'est ça donc sa vérité. Voilà sur quoi s'établit le mariage. Il faut donc le mari et la femme, d'accord. Il faut qu'il y ait les deux mariés, le mari et la femme. Cette vérité là pour que le mariage en lui-même existe, d'accord. Eh bien, il faut qu'il y ait ce pilier là. Donc le fait que le pilier est établi, la présence du pilier fait que la chose donc existe. فإذا الركن عندهم ما تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. Donc le pilier c'est quoi selon les jurisconsultes? C'est sur quoi s'établit la vérité d'une chose. فهذه الخمس سميت أركانا أو قيل عنها أركان الإسلام. Donc ces cinq là que l'on trouve dans le hadith, elles ont été nommées les piliers. Donc les piliers de l'islam. وهذه التسمية يشكل عليها أو هذا الإطلاق أنها أركان الإسلام يشكل عليها أن أهل السنة قالوا إن من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأدى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهونا وكسلا فإنه يطلق عليه لفظ المسلم ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونا وكسلا. Donc il dit ici, et donc il y a un point donc que concernant ce que mentionnent donc les gens de la Sunna. Celui qui témoigne que nulle divinité n'est en droit d'être adorée. Parce que là, il a expliqué que le pilier, d'accord, c'est qu'il fait que sur quoi s'établit la chose afin qu'elle existe. D'accord ? Et donc, on avait vu qu'il y a cinq piliers. C'est cinq piliers de l'islam. Donc, il dit, mais lorsqu'on donne ce sens-là dans sa totalité, eh bien, ce qu'il y a, c'est que on pourrait donc se dire que, eh bien, celui qui n'a pas les cinq piliers, donc, d'accord, mais là, il va expliquer. Donc, je ne vais pas trop devancer ce que va dire le cheikh. Donc, il dit, le cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, il dit, eh bien, donc, les gens de la sunna disent, celui qui témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'il fait les prières obligatoires, mais délaisse le reste des piliers par paresse, d'accord ? Eh bien, on dit que c'est un musulman, et on ne lui retire pas le nom de l'islam, par le fait qu'il ait délaissé les trois derniers pilier par paresse. D'accord ? وَهَذَا مُتَّفَقْ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْإِيمَانِ. Et cela est en accord avec leurs paroles concernant la foi. الإيمان قول وعمل واعتقاد. La foi, c'est parole, œuvre, acte et croyance. وَيَعْنُونَ بِالْعَمَلِ جِنْسِ الْعَمَلِ وَيُمَثِّلُهُ فِي أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةِ. Et donc, ils veulent dire par la foi. Alors, l'imen qawl wa amal wa i'tiqad. Donc, c'est une parole, une action et une croyance. Et ils veulent dire par l'action, ce qui est représenté dans les piliers de l'islam, eh bien, c'est la salat, la prière. فَإِذَنْ نَقُولْ مُرَادُهُمْ بِهَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّ الشَّرْعِيَّ. Alors, nous disons, ce qu'ils ont voulu par cela, pourquoi en fait ils ont dit, eh bien, voilà, ce sont les cinq piliers et que ces trois piliers-là, les deux premiers piliers, les deux attestations de foi et la prière, celui qui établit, qui a ces deux piliers-là, mais délaisse les autres par paresse, eh bien on dit que c'est un musulman. Pourquoi ils se tiennent à cela, les gens de la sunna ? Eh bien, car cela est ce que l'on trouve dans les preuves. On ne peut pas faire le takfir de quelqu'un qui délaisse le hajj sans mécroire au hajj, d'accord ? Donc là, ce sont quelqu'un qui délaisse par paresse la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj, celui qui les délaisse par paresse tout en croyant à leur obligation, mais qui a les deux attestations de foi et qui fait les cinq prières, donc celui-ci est un musulman, d'accord ? Ils ont dit le fait que, malgré qu'il délaisse les trois derniers piliers, eh bien, et qu'ils disent que ça reste un musulman, eh bien, car cela est dans les preuves, d'accord ? وَدَلَّتْ عَلَيْهِ قَوَاعْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانا أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام. Donc ce qu'il y a, c'est que ce qui est voulu ici par les piliers, c'est pas lorsque la totalité, c'est-à-dire du pilier en lui-même, d'accord. C'est-à-dire que s'il délaisse un pilier, alors la réalité de l'islam ne s'établit pas. Non, car il y a des preuves ici qui prouve que celui qui délaisse la zakat par paresse, d'accord, mais tout en croyant à son obligation, d'accord, eh bien ça reste un musulman tant que il a les deux attestations de foi et qu'il fait ses prières. Tant qu'il a les deux premiers piliers, d'accord, ça reste un musulman, d'accord. Donc certes, il n'a pas la totalité des cinq piliers, donc mais la réalité de l'islam ne disparaît pas, d'accord, car il y a des preuves sur cela. C'est pour cela qu'il dit, le cheikh, donc ce n'est pas ici, vous voyez, إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع أليس كذلك ولا نكاح بلا زوج أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج. Donc il dit, vous voyez dans les exemples qu'on a mentionnés précédemment concernant la vente, on ne peut pas imaginer, il dit le cheikh, Salah al-Sheikh Hafidhahullah, on ne peut pas imaginer qu'il y a une vente sans vendeur, n'est-ce pas, ni un mariage sans marié. Il dit, mais cependant, pour l'islam, eh bien, on peut voir qu'il y a, selon la législation, l'existence donc de l'islam sans que quelqu'un ne fasse le hajj. D'accord ? Yani, law turika al-hajj tahawunan. C'est-à-dire que s'il délaisse le hajj, yani, comme ça, par le fait qu'il est délaissé par paresse, fa'innahu yuqal anhu muslim. On dit que c'est un musulman. Aw taraka ta'diyat az-zakat tahawunan. La jahadan. Donc il a délaissé, donc comme ça, par paresse, le fait qu'il voilà, il ne la donne pas, mais il n'a pas renié l'obligation donc de la zakat. D'accord ? فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْهُ مُسْلِمُ. On dit que c'est quand même un musulman. وَهَكَذَا فِي السِّيَامِ رَمَضَانِ. Et c'est également le cas pour le jeûne du mois de Ramadan. الصَّلَاةِ اخْتَلَفُ فِيهَا. La prière donc, les gens de la sunna ont différé concernant son jugement. اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ. هَلْ تَرْكُ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا يُسْلَبْ عَنْهُ اسْمُ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا. Est-ce que le fait que donc les gens de la sunna ont divergé concernant donc le statut de la prière. Est-ce que celui qui délaisse la prière par paresse, d'accord, notamment, est-ce qu'on lui retire le nom de l'islam ou pas ? فَقَالَتْ طَائِفَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Il y a donc une minorité parmi les gens de la sunna qui disent que إِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ تَهَوْنًا وَكَسَلًا لَا يُسْلَبْ عَنِ الْمُسْلِمِ الَّذِي شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَا يُسْلَبْ عَنْهُ اسْمُ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا يَكُونَ عَلَى كَبِيرَةً وَهُوَ فِي كُفْرِ أَصْغَرِ وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَ قَلِيلًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ. Donc il dit, eh bien il y a une minorité donc parmi les savants des gens de la sunna qui considèrent que celui qui délaisse la prière donc par paresse, eh bien on ne lui retire pas donc le nom de l'islam. D'accord ? Ils disent que s'il a délaissé la salette par paresse, d'accord ? Notamment le fait que voilà, il la délaisse, eh bien, sans renier son obligation, eh bien, on ne lui retire pas le fait que c'est un musulman s'il témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. On ne lui retire pas donc le nom d'islam. Mais il est sur un péché majeur et il commet donc de la mécréance qui est moindre. Et ça, c'est la parole donc d'une minorité parmi les savants, des gens de la sunna. وَقَالَ جُمْهُرْ أَهْلُ السُّنَّةِ. Et la majorité des gens de la sunna disent إِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ تَهَوَنًا وَكَسَلًا كُفْرًا. Celui qui délaisse donc la prière, que ce soit donc par paresse, c'est une mécréance. وَأَنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ لَهُ إِسْلَامٍ. Celui qui a délaissé la prière n'a pas d'islam. يعني ولو أتى بتأدية الزكاة والصيام رمضان والحج وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. Et donc il dit le cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah, il dit, et donc la majorité donc des gens de la sunna ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse, d'accord, c'est une mécréance. يعني il a de la paresse à la faire et il la délaisse, d'accord, et bien ça c'est de la mécréance. Et ils disent donc que la majorité des gens de la sunna, ils disent que celui qui délaisse la prière n'a pas d'islam. C'est-à-dire que même s'il donne la zakat, même s'il jeûne le mois de Ramadan, même s'il fait le hajj, eh bien celui-ci n'a pas d'islam car il a délaissé la prière. Et il dit, le cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah, il dit, et ceci est ce qui est correct vu les preuves du livre d'Allah et de la sunna et du consensus sur cela. والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة. Et les Sahaba, les compagnons du prophète sallam, يعني il y a un consensus des Sahaba sur le fait que toutes les œuvres pour lesquelles l'individu, donc le délaissement des œuvres du serviteur ne sont pas considérés comme de la mécréance, excepté pour la prière, excepté pour la prière. كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره كانوا أي الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. Et donc dans ce hadith qui est sahih rapporté par الترمذي, donc il a été authentifié wa sahahahu Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi al-Mishkat, donc le Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Les sahaba ont dit, donc Al-Shaqiq bin Abdallah, dans ce que Tirmidhi, qui est ce hadith-là, donc sahih authentique, a rapporté, les compagnons ne voyaient pas le délaissement d'une œuvre étant de la mécréance, excepté pour la prière. Was-salat yujma'u ala anna tarkaha kufr. Donc, concernant la prière, il y a clairement eu donc ce consensus-là que sur le fait que son délaissement est de la mécréance. Et c'est ce qui a été prouvé donc par la parole d'Allah le Très-Haut dans Sourate Al-Muddathir des versets 42-43. Qu'est-ce qui vous a mené à Saqar? Saqar, c'est un niveau très bas au niveau de l'enfer qui est réservé donc aux mécréants. Donc qu'est-ce qui vous a amené à Saqar? Ils ont répondu, eh bien nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Il a akhir al-ayat. Et donc il y a plusieurs versets dans ce sens-là. Wa kadhalika qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih Muslim bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk aw qala al-kufr tarku as-salat. Et c'est également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est dans sahih Muslim, entre l'homme et l'associationnisme, il a dit ou la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Et donc dans les quatre sunan, ainsi que dans le musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, du hadith de Buraïda, min hadith Buraïda, radiallahu anhu, marfou'an, donc du hadith de Buraïda, رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ce hadith qui est sahih, authentique, le pacte qui est entre nous et entre eux, c'est la prière. Quiconque l'a délaissé a donc mécru. وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. Entre l'homme et l'associationnisme, où il a dit et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Dallana ala anna tarka as-salat kufr akbar. Ceci nous prouve que le délaissement de la prière est une mécréance majeure. Wa dhalika anna al-qa'ida anna lafdh al-kufr idha ja'a fi an-nusus fa innahu ya'ti ala wajhayn. Ceci est prouvé que par la règle que la prononciation de la mécréance, lorsqu'il vient dans les textes, eh bien, il peut apparaître sous deux angles. الوجه الأول يأتي معرفا والوجه الثاني يأتي منكرا. Le premier angle, c'est qu'il vient dans le sens que est-ce que il nous informe que c'est la mécréance même, d'accord? Et le deuxième angle, deuxième point, comment il apparaît aussi dans les textes, c'est que la mécréance peut apparaître comme étant comme une chose de détestable, d'accord? والوجه الثاني يأتي منكرا بلا تعريف. Donc ça apparaît comme une chose détestable, d'accord, sans montrer la mécréance en elle-même. فإذا أتى منكرا فإنه يكون معناه الكفر الأصغر. Bien s'il apparaît donc comme étant détestable, d'accord, c'est-à-dire que ça renie telle ou telle chose détestable, eh bien cela montre que c'est la mécréance qui est moindre, d'accord, la mécréance mineure. Wa idha ata mu'arrafan fatakun al, c'est-à-dire le en arabe le alif et le lam, al fihi imma lil 'ahd 'ahd al kufr al akbar al 'ahd al shar'i fi dhalika wa imma an takun lil istighraq yani istighraq anwa' al kufr. Donc il dit, ou bien ça apparaît. Donc on a vu que ça pouvait apparaître comme une mécréance moindre dans les textes. Mais aussi, lorsqu'on lit on lit pas seulement kufr, comme on connaît dans le hadith Sibab al-Muslim Fusuq wa qitaluhu kufr, insulter un musulman est un égarement et le combattre est une mécréance, kufr, vous voyez. Alors que dans l'autre hadith, donc la mécréance ici dans ce hadith là, c'est la mécréance qui est moindre, d'accord. Tandis que ce que dit le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhahullah, le fait qu'il y a la particule elle devant kufr, elle kufr, d'accord, eh bien ceci c'est la mécréance qui est totale, d'accord, la mécréance qui est totale, c'est-à-dire la mécréance majeure. مثلا في الكفر المن في الكفر المنكر في الكفر المنكر قال صلى الله عليه والسلام ثنتين في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. Donc le cheikh Salah al-Cheikh Hafidhahullah mentionne par exemple les types de kufr là qui montrent que c'est de la mécréance moindre, la mécréance mineure, d'accord, qui fait qu'une chose est détestable que si quelqu'un le fait, qui est donc de la mécréance mineure, c'est-à-dire un péché majeur. Il y a deux choses parmi les gens qui sont pour eux de la mécréance, c'est-à-dire kufr, vous voyez, c'est pas écrit el kufr, dans le hadith c'est écrit kufr, bihim kufr. Thenten finnes huma bihim kufr. D'accord ? Deux choses dont les gens font qu'ils ont cette mécréance-là. At-ta'n fil ansab. Le fait que, yani, ils dénigrent leur lien de parenté, et le fait qu'ils se mettent à se taper dessus et à se déchirer leurs vêtements lorsqu'il y a un mort, d'accord. Tantan fi ummati min amr al-jahiliya la yatrukunahun. Eh bien, ce sont deux choses dans ma communauté qui font partie de la jahiliya et qu'ils ne vont pas délaisser. Et ça, c'est donc un autre hadith. قال أيضا عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عناق بعض. Ne revenez pas après moi, ne soyez pas après moi donc des mécréants frappant l'un l'autre le cou de l'autre, l'un le cou de l'autre. وأشبه ذلك من ذكر كلمة الكفر منكرة كفر. Donc et donc vous voyez, ça, ce sont des exemples qu'il donne en termes de hadith, de texte, qui montrent que le terme kofr, vous voyez, là, c'est le kofr qui est, yani, mineur. D'accord ? Kofr qui est mineur. D'accord ? Lorsqu'on dit une mécréance mineure, ça ne veut pas dire que c'est petit, ça ne veut rien dire. Non, une mécréance mineure, c'est un péché majeur. D'accord ? فإذا قيل في الكفر كفر. Donc lorsqu'on parle de la mécréance en disant kofr, vous voyez, sans la particule el devant kofr, on ne dit pas el kofr, mais on dit kofr seulement. Vous lisez cela dans le hadith. Eh bien, cela indique que c'est de la mécréance mineure. Car le législateur, Allah le Très-Haut, l'a rendu que c'est une chose donc détestable. D'accord ? C'est montré et affirmé comme étant une chose détestable. وإذا كان منكرا في الإثبات فإنه لا يعم. Donc si il est considéré comme représentant une chose détestable, donc on confirme que c'est une chose détestable, eh bien il ne généralise pas. Il ne généralise pas. Le fait qu'il ne généralise pas, ça n'atteint pas le niveau de la mécréance majeure. D'accord ? كما هو معلوم في قواعد الأصول. Comme cela est connu dans les règles du fondement des fondements. أما إذا أتى معرفا فإن المقصود به الكفر الأكبر. Mais s'il est montré comme étant une chose, c'est-à-dire la généralisant, eh bien on sait que c'est de la mécréance majeure. فإذا نقول الصحيح أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر أكبر. C'est pour cela que l'on dit que ce qui est authentique et ce qui est correct, c'est que le délaissement de la prière, donc que ce soit par paresse, il la délaisse, etc., eh bien c'est de la mécréance majeure. La mécréance majeure. لكن كفره باطن وليس كفره ظاهرا. Mais c'est donc une mécréance qui est cachée et non pas apparente. وَلَيْسَ بِبَاطِنْ وَظَاهِرْ جَمِيعًا حَتَّى يُثْبِتْ عِنْدَ الْقَاضِي. Donc ce n'est pas donc apparent et caché ensemble jusqu'à ce que ce soit jusqu'à ce que ce soit clarifié, donc jusqu'à ce que ce soit confirmé auprès du juge. لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ مِنْ خِلَافٍ أَوْ فَهْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. Car il se peut qu'il a une mauvaise compréhension sur une chose, d'accord, et donc que le juge donc lui va lui clarifier. Parce que, vous voyez, c'est pas comme dans nos pays musulmans, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, où est-ce que les gens, c'est l'adhan, personne ne prie, excepté ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a miséricorde. Et puis, tout le monde ne fait rien, tout le monde ne dit rien. Parce que là-bas, en Arabie Saoudite, si quelqu'un va dénoncer une autre personne parce qu'il ne fait pas la prière, il est apporté devant le juge. Et donc, le juge doit lui clarifier parce qu'il se dit que peut-être que cet individu-là a un équivoque, il ne comprend pas pourquoi la prière est obligatoire, etc. Il lui clarifie. D'accord? Et donc, il lui donne donc 3 jours pour se repentir. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'il parle de juge, le shir salah et le shir notamment. Parce qu'ils appliquent donc selon la législation d'Allah, la sharia d'Allah Azza wa Jal. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays, qu'Allah les réforme. Amin. وَلِهَذَا لَا يُحْكَمْ بِرِدَّةِ بِرِدَّةِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ بِمُجَرَّدْ تَرْكِهِ. C'est pour cela que on ne dit pas, on ne juge pas par l'apostasie quiconque délaisse la prière, par le fait qu'il ait juste délaissé la prière. وَإِنَّمَا يُطْلَقَ عَلَى الْجِنْسِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ فَهُوَ كَافِرِ الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ. Mais on prononce en fonction de ce qui est exactement là, sur le fait que celui qui délaisse la prière, eh bien c'est un mécréant avec une mécréance majeure. D'accord ? وَأَمَّا الْمُعَيِّنُ فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَتَنْزِيلَ أَحْكَامَ الْكُفْرِ كُلُّهَا عَلَيْهِ هَذَا لَابُدَّ فِيهِ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ يَدْرَى عَنْهُ الشُّبْهَةَ وَيَسْتَتِبْهُ حَتَّى يُؤَدِّي ذَلِكَ. Donc il dit, et concernant donc un individu précis, le jugement sur lui de la mécréance est que tout ce qu'implique la mécréance, c'est-à-dire que s'il est marié et qu'il délaisse la prière, eh bien il doit quitter cela invalide son acte de mariage, etc. Toute la viande qu'il sacrifie, eh bien elle n'est pas halal, etc. Yani tous les jugements concernant donc la mécréance, donc on ne juge pas un individu qui délaisse la prière comme un apostat, mais comme un mécréant, d'accord. Le jugement maintenant individuel, d'accord, et tout ce qu'implique donc la mécréance, le jugement de la mécréance sur un individu précis qui a délaissé la prière, et tous les jugements donc qui en découlent de cela, eh bien nécessite donc un juge qui va lui clarifier les points et lui dissiper les équivoques et le faire que, eh bien, il se repente, d'accord, jusqu'à ce qu'il établisse la prière, d'accord. وهذا هو المتعمد عند جمهور أهل السنة كما ذكرت لك وغير الصلاة الأمر على عكس ما ذكرت. Donc il dit, donc cela concerne donc la prière. Et c'est ce qui est correct donc au sein de la majorité des gens de la sunna, comme je vous l'ai rappelé. Et en dehors de la salette, d'accord, en dehors des deux attestations de foi et la prière, eh bien c'est ce n'est pas comme je vous l'ai mentionné, puisque tant qu'il ne renie pas les autres piliers, les 3 derniers piliers, il ne renie pas leur obligation, mais il les délaisse par prière, eh bien il reste un musulman tant qu'il a les 2 premiers piliers. Il dit Jumhur Ahl Sunnah. On va terminer sur ce point-là, Inch'Allah. Jumhur Ahl Sunnah. Ala anna man taraka zakat tahawanan wa kasalan أو من ترك الصيام أو من ترك الحج فإنه لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا لأنه ما دل الدليل على ذلك. Il dit, eh bien, la majorité des gens de la sunna voient que celui qui délaisse la zakat, ou le jeûne, ou le hajj, tout cela, donc par paresse, il les délaisse, d'accord, bien sûr, sans en renier donc leur obligation, eh bien, il ne devient pas mécréant par le fait qu'il l'ait délaissé donc par paresse, car il y a des preuves sur cela, d'accord. On se rappelle, et alors, il y a une risala de Cheikh Mohamed Ibn Salah al-Uthaymin, rahimahullah, concernant le jugement de celui qui délaisse la prière, et il avait mentionné donc le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant que celui qui délaisse la zakat, je vous donne le sens, yani, concernant que celui qui délaisse la zakat aura soit une destinée au paradis, soit une destinée en enfer. Et donc le cheikh Salah, Mohammed ibn Salah al-Uthaymin rahimallah, avait dit que, eh bien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délaisse la zakat aura soit une destinée au paradis, soit une destinée en enfer, s'il a la possibilité d'entrer au paradis, eh bien, cela ne concerne qu'un croyant et non pas un mécréant, car un mécréant n'aura jamais cette possibilité-là de rentrer au paradis. D'accord ? Donc, il y a différentes preuves concernant cela qu'on ne... Il n'y a pas de preuves qui prouvent que c'est de la mécréance majeure pour celui qui délaisse les trois derniers piliers de l'islam par paresse sans renier l'obligation. D'accord ? وقال الطائفة من أهل العلم من الصحابة ومن بعضهم إن من ترك بعض هذه أنه كافر على خلاف بينهم في ذلك. Et il y a une minorité parmi les compagnons et ceux qui sont venus après qui ont dit que quiconque délaisse ne serait-ce un pilier des cinq piliers de l'islam est un mécréant, et donc il y a une divergence entre eux vis-à-vis de ce point-là. Donc on va terminer sur ce point-là, inshallah, et on continuera, inshallah, la semaine prochaine. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.